Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. Le 26 février dernier, la planète hockey au niveau régional a été secouée par un terrible accident. Alexandre Gauthier, l'ancien homme fort des Marquis de Jonquière, subissait un grave accident. Pendant quelques jours, on a eu peur pour sa vie, mais depuis ce temps, après avoir fait une dizaine de jours de coma, depuis ce temps, il complète sa réhabilitation. Question de savoir comment il vit ça, on lui parle. Salut Alexandre! Bonjour. Alexandre, d'abord, si on rappelait cet accident-là, ça a eu lieu le 26 février dernier dans le coin de Saint-Gédéon. Exactement, oui. OK. Comment ça s'est passé un petit peu? C'est suite à une manœuvre de dépassement, quoi, ou... Pour être honnête avec toi, j'ai fait un traumatisme crânien pendant l'accident, dit accident. Donc, j'ai aucun souvenir de l'accident. OK. Par la suite, t'as été quand même une dizaine de jours complètement dans le coma. Hein, on se posait des questions pour ta vie, c'est ça? Alexandre? Ouais, j'étais une dizaine de jours dans le coma. OK. Donc, t'étais une dizaine de jours dans le coma, puis ça a été. On a craint longtemps pour ta vie. Ouais, j'ai rentré à l'hôpital la première fois, quand j'ai été transféré d'Alma à Chicoutimi, dans le fond, le staff médical qui était là était quasiment prêt à me déclarer comme mort. Là. Il me qualifiait de don d'organe. Oh. Donc, par la suite, j'imagine que petit à petit, ton état s'est amélioré, quoi? Oui, mon état s'est vraiment amélioré rapidement, là. J'ai dépassé tous les pronostics qui avaient lancé eux autres. J'ai vraiment joué toutes les statistiques. C'est que je suis vraiment content de ma réhabilitation pour OK. Tu parlais dans le quotidien que vraiment t'es un ancien homme fort au hockey, t'étais des arts martiaux mix également. Donc ça n'a jamais été facile pour toi. Puis je pense que quelque part, le fait que ça n'a jamais été facile, ça t'a servi un petit peu dans sa réhabilitation là. Exactement. En fait, c'est ce qui m'a gardé en vie lors de l'accident, parce que les médecins, quand ils parlaient à ma famille, c'est ça qu'ils disaient toujours, du positif, c'est qu'ils disaient qu'on a deux facteurs qui sont vraiment positifs dans cet accident-là. C'est que votre fils était premièrement en bonne forme physique, puis deuxièmement, jeune. Ben ouais. Fait que si ça avait été un bonhomme de 50 ans qui avait eu mon accident, exemple, un petit peu bonhomme, ben, il s'en serait probablement pas tiré. OK. Question, une parenthèse. Dans le coma, est-ce qu'on a connaissance de quelque chose? Pour l'instant, non. En fait, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé à Chicoutimi, à l'hôpital de Chicoutimi. Ouais. J'étais dans le coma, puis même réveillé, là, j'ai aucun souvenir. Fait que peut-être que ça va m'en revenir et que je vais avoir des flashs, justement, mais que le temps passe un petit peu et que les blessures se réparent. Ouais. Je vais peut-être avoir des flashs, mais pour l'instant, je me souviens même pas d'avoir séjourné à Chicoutimi. Puis j'ai été là quand même longtemps. Là. J'ai été là un bon 4 à 8 semaines, je pense. OK. Là, comment tu vis ça? Là? Actuellement, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 mois que ton accident a eu lieu. Dans le quotidien, la semaine dernière, on disait qu'au moment où l'article a passé, jeudi passé, tu étais en attente d'un verdict si vraiment tu vas avoir des séquelles, des séquelles suite à ton accident du 26 février. Donc là, comment ça se passe avec toi? Là? Ben, j'ai eu justement le verdict. Okay. J'aurai pratiquement aucune séquelle. Ouf. Donc, je me tire de cet accident-là vraiment du mieux que je pouvais me tirer. J'ai vraiment le meilleur dénouement d'histoire qu'on peut souhaiter, dans le fond. Puis, c'est ça, fait que je vois ça, mais ça donne vraiment une autre vision de la vie. Tu sais, ça change complètement ta vision de la vie. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui faisait pas du tout don de sang. Okay. Puis quand j'ai eu l'accident, justement, j'ai eu une opération, puis il a fallu me remettre 4 litres de sang. Mm. Puis moi, à ma charpente, les docteurs estimaient que j'avais environ 6 litres de sang dans mon corps. Ouf. Fait que j'avais perdu pratiquement 75% de mon sang. OK, OK. Mais t'es vraiment, on peut dire, comment t'expliques ça un petit peu, tout ça? Est-ce que parce que je pense que moi, j'ai rarement vu, j'ai surveillé ça un petit peu les jours suivant ton accident. Je sais pas si t'as eu la chance de voir ce qui se disait sur les médias sociaux, mais on sentait toute la planète hockey au niveau régional, puis au niveau de la Ligue nord-américaine de hockey, derrière Alexandre Gauthier. On voulait vraiment là, que tu t'en sortes. Là. À quelque part, ça doit aider pareil, là. Ouais, ben c'est ça que je disais quand je suis allé au match des Marquis, justement dans les séries. Je me promenais dans le palais des sports, puis toutes les personnes que je croisais me disaient « Oh, j'ai tellement prié pour toi, nanana », puis tu sais, ils étaient contents de me voir, puis ils étaient contents de voir que je marchais, etc. Fait que moi, tout ce que je leur répondais, ben c'était « Ben, ça a dû aider ». Tu sais, je sais pas s'il y a un Dieu qui existe, là, mais... Je sais que les prières que le monde ont faites ont sûrement pas été vaines. OK. Aussi, quand tu disais tantôt, j'ai une autre expérience de la vie. Je vois la vie de façon différente. Là, tu es une jeune femme, je pense que tu as un enfant également. À quelque part, tu dois te considérer chanceux de t'en être sorti à quelque part. Là. Puis, quand tu vois ta fille, c'est une petite fille que tu as? Un petit garçon, OK. Donc, quelque part, tu dois vraiment te considérer chanceux que la vie t'a donné une deuxième chance. Moi, je me vois, en fait, rien de moins qu'un miraculé. C'est un miracle que je sois encore en vie. Fait que ça vaut chaque instant que je passe avec mon fils, que je passe avec ma blonde. Tous ces moments-là doublent de valeur, je pense, quand tu as eu un accident comme celui-là. OK. OK. Là, tu disais que t'avais aucune que c'était terminé le hockey pour toi, c'est terminé les arts martiaux mixtes, mais là tu vas rester avec aucune séquelle. Est-ce que t'as l'intention quand même de jouer au hockey pour le plaisir? Les arts martiaux mixtes, j'imagine que c'est terminé parce que quelque part, c'est quand même un sport qui demande beaucoup au niveau physique. Mais à quelque part, là, est-ce que le hockey, ça peut être terminé? Le hockey, c'est sûr que je peux jouer encore dans tout ce qui est ligue, pas de contact, etc. C'est sûr, je peux jouer pour m'amuser. Puis j'ai assez hâte que mon fils, justement, puisse commencer à marcher pour que je l'amène à la patinoire, tu sais, d'avoir donné ses premiers coups de patin. Puis j'ai accumulé beaucoup de bagages, justement, en jouant dans la Ligue nord-américaine aussi. Fait que il y a peut-être un potentiel que peut-être un jour je vais devenir entraîneur ou quelque chose dans le genre. Là, on te donne combien de temps pour te réhabiliter? Ça devrait prendre combien de temps? Complètement. Ouais. Un traumatisme crânien, on dit que ça peut prendre d'un an à toute une vie à guérir complètement. Okay. Mais tu vois... Mais je vois toujours du progrès à chaque jour. Puis la plus grosse séquelle, justement, quand on a parlé de séquelle, que j'avais pas de séquelle... La plus grosse séquelle que j'ai en ce moment, c'est vraiment mon bras cassé. Okay. Parce que je me suis cassé un bras dans l'accident. Fait que c'est vraiment le plus gros problème de l'accident. C'est vraiment mon bras cassé. Puis mon traumatisme crânien qui va m'empêcher de faire un sport de contact pour le reste de mes jours. Ouais. Mais est-ce que les automatismes crâniens t'emmènent des pertes de mémoire? Non. C'est ça. J'ai vraiment pas de séquelles par rapport au traumatisme crânien. Ouais. Là. Puis je me trouve tellement chanceux parce que je regarde juste l'émission Les Beaux Malaises. Tu sais, on sait tous que le frère à Martin Matt, c'est ça qui a eu un traumatisme crânien. Mm. Puis il a perdu sa mémoire à court terme. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que quand je suis revenu justement, quand ils m'ont transféré au centre de réadaptation, eux autres, ils avaient mon dossier médical et tout ça. Fait qu'ils voyaient tout ce que j'avais eu. Eux autres, ils s'attendaient à me voir arriver en chaise roulante ou quelque chose dans le genre. Okay. Puis je suis arrivé au centre de réadaptation en marchant sur mes deux pieds. Fait que là, ils se sont dit, ouais, OK, là, il se passe quelque chose ici. Il est spécial, lui. OK, OK. Mais ta réputation, tes activités, tu fais, j'imagine, de la chimiothérapie, pas de la chimio, mais de la physiothérapie pour ton bras. Pour ton traumatisme crânien, il n'y a pas vraiment d'exercice. C'est vraiment la salle et le temps, puis c'est tout pour ta réputation, là. Exactement. Ben, en fait, le traumatisme crânien, ouais. Là, tout ce qu'il fait pour l'instant, là, c'est que, vous autres, pour gérer votre énergie, là, il compare que votre énergie, ce serait comme si vous aviez une batterie de char. C'est que vous êtes durement épuisable, etc. Moi, par rapport à ça, ils disent que je suis rendu avec des piles 2A depuis mon accident. Okay. C'est comme si j'avais des petites piles, fait que je fatigue beaucoup plus vite. OK, OK. Alexandre! Fait que souvent, je me prends une petite sieste après-midi. Ouais, c'est ça. Je recharge mes batteries, puis après ça, je suis reparti. OK. Ben Alexandre, félicitations. C'est vraiment une belle preuve de courage que tu as fait. Je pense que moi, j'ai suivi ça un peu. Les médias sociaux, vraiment, ont travaillé. Je peux te dire que je sais pas si les prières ont donné des résultats, mais certainement de te voir 2 mois et demi après, et avec la bonne nouvelle que tu nous as annoncée cet après-midi, ben c'est bravo. Puis on va peut-être avoir l'occasion de se reparler. Je te remercie, Dani, puis je veux remercier tous les autres qui ont prié pour moi ou qui ont aidé financièrement ma famille. Oui. Dans cette épreuve-là, parce que de pas me soucier du côté financier, c'est ce qui m'a vraiment permis de guérir plus vite. Okay. Tu faisais quoi, Alexandre, avant ton travail? C'est sûr, t'étais joueur de hockey, mais t'étais quoi comme travail? J'étais joueur au hockey, c'était mon sideline. En fait, je travaillais comme agent d'intervention dans les centres de jeunesse. Ah, OK. Puis le matin du 26 février, c'est ça qui t'a amené à Robertval, j'imagine. Exactement, j'ai travaillé de nuit à Robertval. Okay. Et okay. Je descendais de ma nuit. Ben Alex, on va peut-être avoir l'occasion de se reparler. Merci. Alexandre Gauthier qui a subi un grave accident de la route le 26 février dernier qui a failli lui coûter la vie.